me résonner dans le lointain. Nous marchions dans la chaleur au milieu d'hommes de toutes couleurs. C'est beau l'Afrique, qu'elle m'a dit, c'est sûr, on est parti, on n'est plus à Strasbourg, Saint-Denis. Métropolitain, le tam-tam dans le lointain. Métropolitain, métropolitain. Métropolito, bon sang, qu'est-ce qu'il fait chaud. Métropolito, métropolito. Métropolitain, j'allume mon pétard et je mouille mon costard. Ah, bonne nouvelle, brille le soleil et on m'écrase les orteils. Paris, Dakar, Paris, trop tard. Paris, d'accord, Paris, t'as toujours tort. Macalou, Mamadou, Marabou, consulte de Paris à Tombouctou. Grand sage et professeur compétent, tu payes seulement si t'es content. Problème en amour, problème en gros. Pour moi c'est un coup de foudre dans le métro. Métropolitain, le tam-tam dans le lointain. Métropolitain, métropolitain. Métropolito, bon sang, qu'est-ce qu'il fait chaud. Métropolito, métropolito. Métropolitain, j'allume mon pétard et je mouille mon costard. Le soleil et on m'écrase toujours les orteils. C'est un coup de foudre dans le métro. Métropolitain, le tam-tam dans le lointain. Métropolitain, métropolitain. Métropolito, bon sang, qu'est-ce qu'il fait chaud. Métropolito, métropolito. Métropolitain, j'allume mon costard et je mouille mon pétard. Brille le soleil et là je n'ai vraiment plus d'orteils. Non, je n'ai plus d'orteils.